Chapitre 11e, la dernière étape. L'ingénieur gagna 300 mètres de hauteur, puis mit le cap au sud-ouest. En se dirigeant droit à l'ouest, en effet, il craignait, à tort ou à raison, d'aller donner sur Terre-Neuve, et il préférait aborder le continent américain en des parages plus hospitaliers. D'ailleurs, dans l'impossibilité absolue où il était de savoir où il se trouvait, il agissait plutôt par instinct que par raisonnement. Le vent devait être faible, car la mer moutonnait à peine, et le thermomètre marquait 2 degrés au-dessus de zéro. Le moteur ronflait avec régularité, tout allait bien. « Maintenant, dit l'ingénieur, donnez-moi à manger, mon ami, je meurs de faim. » Sans patience tira de la caisse miraculeuse une boîte de conserve qui pouvait bien peser 1 kilo et qui contenait ce genre de viande conservée que les Américains nomment « corned beef » et qui n'était pas sans analogie à ce que notre troupier appelle du singe. Les biscuits qui accompagnaient les boîtes étaient à peu près semblables comme goût à du pain, quoique un peu plus fade et un peu plus dur. Des 6 flacons, 4 contenaient une sorte de bière assez forte qui devait être de l'ale et les 2 autres du whisky. Le tonnelet était rempli d'eau douce. Les 2 aviateurs commencèrent à dévorer. La boîte de conserve y passa entièrement, ainsi qu'une 30 douzaine de biscuits et une bouteille d'ale. Puis, l'estomac satisfait, ils éprouvèrent le besoin d'échanger leurs impressions. « D'abord, demanda sans patience, où sommes-nous ? » « Voilà ce qu'il est difficile de savoir, répondit l'ingénieur. Il nous restait à l'estime de 500 à 600 kilomètres à faire lorsque nous avons perdu notre hélice. Nous sommes restés 4 jours en panne, pendant lesquels nous avons dû être repoussés vers l'est par le vent, du moins les 2 premiers jours. Depuis, avons-nous été repris par le Gulf Stream ? Ou au contraire véhiculé par le courant polaire, nous l'ignorons. Ce qui est certain, c'est que nous avons beaucoup plus de chances d'aborder le continent à la hauteur de Boston et même de Halifax qu'à la hauteur de New York. Quant au parcours qui nous reste à effectuer, le plus sûr, c'est encore d'admettre qu'il peut être de 700 à 800 kilomètres. S'il y a moins, nous le verrons bien. Mettons donc 800. Nous faisons en ce moment. Le moteur marche à fond et le vent est faible. Cela doit nous donner du 150 à l'heure, ou bien près. Il est plus de 11 heures. En mettant les choses au pire, nous serions donc en vue du continent américain entre 4 et 5 heures du soir, probablement avant. L'essentiel est que nous puissions atterrir avant la nuit. Maintenant, autre chose. Je ne serais pas fâché, mon cher, d'avoir votre avis sur la miraculeuse arrivée à notre bord des vivres et de l'hélice. Eh bien voilà, répondit l'ingénieur. Je ne fais que songer à cela depuis ce matin. Hier, nous avions bien vu, moi un périscope, vous un dôme. Un sous-marin, depuis hier, avant peut-être, rôdait autour de nous en évitant de se faire voir. Les passagers ont pu juger de notre situation. Le soir, ils ont profité de la nuit pour émerger et s'approcher de nous. Ils nous ont entendu causer. Ils se sont mis alors à la recherche de l'hélice, à moins qu'ils ne l'aient retrouvée avant. Et pendant notre sommeil, l'ont attaché à votre siège, en même temps qu'ils y déposaient des provisions. Mais pourquoi ne pas s'être montré? Généralement, les sauveteurs n'agissent pas avec tant de mystère. Vous m'en demandez trop. Leur intervention demeure inexplicable quant à leur façon d'agir. Mais tout de même, quelle antithèse! Un aéroplane en détresse sauvé par un sous-marin. Enfin, dit sans patience qui réfléchissait. Nos mystérieux bienfaiteurs ne devaient pas nous connaître. Savoir, répondit simplement l'ingénieur. Comment? S'écria sans patience. Et regardant attentivement son ami, « Vous avez une idée que vous ne dites pas à vous ?»« Eh bien oui. Mais comme elle se rapporte à vous, je craignais d'être indiscret. »« Indiscret, sans doute. Pour moi, nos bienfaiteurs, si mystérieux qu'ils vous paraissent, doivent vous connaître, vous. Mieux, ils devaient être au courant de votre tentative et des motifs qui l'ont provoquée. Et c'est en sachant qu'ils avaient affaire à vous qu'ils sont intervenus. La chose ne peut pas s'expliquer autrement. Ils savaient votre but, ils connaissaient les conditions qui vous sont imposées. Or, s'ils nous avaient purement et simplement recueillis, c'était un échec pour vous, puisque vous auriez utilisé un bateau. Tandis qu'en nous remettant discrètement en possession de l'hélice, il vous permettait, au contraire, de continuer votre voyage dans les conditions requises. « Non, non !» s'écria sans patience. « Ce n'est pas encore cela. Je n'ai d'ailleurs plus de raison de garder le silence vis-à-vis de vous. Vous allez savoir ce que vous ignorez encore, et vous pourrez juger. » Et en quelques mots, il mit l'ingénieur au courant de l'histoire du testament qui était la cause originelle de leurs aventures. « Or, termina-t-il, mon oncle est mort sans autre parent que moi. Moi-même, à part de vagues cousins, je n'avais d'autre parent que lui. Qui donc aurait intérêt à aider à la réussite d'une tentative qui doit me rapporter 30 millions? L'ingénieur ne répondit pas. Il n'y avait du reste rien à répondre. Toutes les explications imaginées ne faisaient qu'épaissir le mystère. « Et puis après tout, qu'importe ?» finit par dire sans patience, là d'échafauder en vain hypothèse sur hypothèse. « L'essentiel, c'est que nous sommes tirés d'affaire, et que d'ici 2 ou 3 heures, nous allons effectuer un atterrissage qui va nous rendre, moi, multimillionnaire, et vous célèbre, sans compter qu'il vous rapportera 1 million, mon bon ami. « Pour ça, commença l'ingénieur, je vous l'ai promis, c'est possible. Mais j'estime que vous avez assez fait pour moi. Songez aux résultats pratiques de cette randonnée sans précédent. C'est la consécration éclatante et le triomphe de mes conceptions et l'équivalent d'une réclame mondiale. Désormais, tous les espoirs me sont permis. C'est ce que nous verrons, répondit sans patience. Je vous prierai même de ne plus discuter à ce sujet, car je sens que je vais me mettre en colère. Allez-y d'une crise, mon ami. Les circonstances s'y prêtent. Nous avons du temps à perdre. Eh bien, le croirait-on, sans patience ne s'emporta pas. À peine eut-il une fugitive rougeur du visage et une rapide contraction des poings, l'accès se borna là. Ce que voyant, l'ingénieur qui le surveillait du coin de l'œil déclara « Vous êtes décidément guéri, mon bon. » Et il ajouta sans rire « C'est dommage.